Me voilà bien chanceuse. Hélas, Landy Bavray, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Et service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine? Ce que j'ai? Oui. J'ai que l'on me donne aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui. Madame me chasse. Je n'entends pas cela. Comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude. Et je ne veux pas...